soir d'hiver, il pleure le petit garçon, car il retourne à la pension. Dans l'auto qui le reconduit, il sanglote sans dire un mot, les yeux baissés et le cœur gros. Sa mère le rassure tout bas, tu vas bien t'amuser là-bas. Il a dit oui avec la tête. Le petit garçon est grand, il vient juste d'avoir 16 ans, c'est presque un homme maintenant. Voilà qu'il est amoureux, et ce soir il court la chercher, mais elle a une voix changée. Tu n'en veux pas, mais tu sais, nous deux, tu sais, ce n'était pas sérieux. Il a dit oui avec la tête. Il a dit non avec le cœur. Il a souri avec la tête. Il a pleuré. Garçon, une voiture et une belle maison. Il travaille comme un damné, couché très tard, levé très tôt. Il passe tout son temps au bureau. Mais hier, quelqu'un lui a dit, mon vieux, vous devez être un homme heureux. Il a